Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 1er avril 2016, un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec au programme des polars et de la bande dessinée. Des femmes fondues au noir d'abord, dernier épisode de la série en compagnie d'Hélène Amalric, où il sera question aujourd'hui du polar français, des dernières tendances du polar français, devrais-je préciser. Et puis, vous le savez, vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée dans Un autre jour est possible en deuxième partie. On parlera aujourd'hui, d'une part, d'un festival, les rencontres du 9e art à Aix-en-Provence. Et comme invité, je reçois l'auteur espagnol Andrea Ferraris pour sa bande dessinée éditée chez Rackham, Churubusco. Mais tout d'abord... What's the matter? Mr. Slade came here the night of the other murder. Don't you remember what happened? And all he had with him was a little black bag. Des femmes fondues au noir par Hélène Amalric, qui a consacré sa vie, 40 ans, à écrire, à éditer, à traduire des romans policiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous allez aller d'ailleurs au festival Quai du Polar où France Culture sera très présente, avec notamment et bien entendu Mauvais Genre. Bien entendu. Donc on se retrouvera. Donc on va pas se quitter ce week-end, hein, mais on va quand même terminer aujourd'hui, ce matin, cette série, 5e et dernier épisode, La Française du crime, où il s'agira de parler des dernières tendances du polar français féminin. D'ailleurs, est-ce qu'on dit féminin maintenant? Le polar français écrit par des femmes. Justement, j'allais commencer en citant Andrea Japp, parce que, je ne sais plus, il y a une petite dizaine d'années, justement, on l'interviewait sur le polar au féminin, et un peu agacée, elle a répondu un peu agacée, en disant, en parlant de tout ce dont on a parlé, la violence, etc., et en concluant, cela dit, je ne crois pas que le polar au féminin veuille dire grand chose, ou alors il y a autant de polars féminins qu'il y a d'écrivains femmes. Donc, c'est vrai, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une écriture féminine de polar, qu'il y a des sujets que les femmes abordent plus volontiers ou pas. Et encore, parce que dans l'histoire des Françaises du polar, on a, d'une part, elles ont toujours été là, c'était ce qu'on disait dans la première émission, elles ont jalonné l'histoire du roman policier français. Alors, bien sûr, les années 80 ont vu l'éclosion de très grands noms. Et ce que vous avez surtout très bien expliqué durant toute cette semaine, Hélène Amalric, c'est que effectivement, il n'y a pas une écriture spécifiquement féminine dans le polar, mais en revanche, le polar reflète bien l'évolution des femmes. Tout à fait. Surtout quand il est écrit par des femmes. On peut le préciser, oui. Ça. On peut le préciser. C'est vrai qu'il faut le préciser, parce que c'est plus rare que les hommes s'intéressent aux femmes dans le polar. Bon, on ne va pas ouvrir ce débat non, aujourd'hui. Non, je pense qu'il vaut mieux pas. Alors, quelles sont les dernières tendances du roman policier et de la présence des femmes, que ce soit dans des polars écrits par des femmes ou par des hommes, d'ailleurs? Alors... curieusement, je n'arrive pas. Alors peut-être que c'est la fin de la route. Non, mais peut-être que c'est la fin de la route au sens où justement je n'arrive pas à voir de tendance, je dirais. Tous les auteurs femmes françaises de polars, de romans criminels que j'ai lus ces 10 dernières années, c'est un peu dans tous les genres. C'est un petit peu. Alors si ce qui me frappe un peu. C'est que, à l'exception, justement, des anciennes, entre guillemets, parce que, du style Brigitte Aubert, Maud Tabachnik ou Andrea Djapp, ou Dominique Manotti, qu'on n'avait pas cité jusqu'à présent. Toutes celles-là sont très politiques, au sens où elles leurs polars sont une façon de réfléchir à la société et aussi à la société dans son ensemble, hein, aussi bien aux problèmes, à ce qu'on, aux problèmes véritablement politiques, mais tout est politique, que le dernier thriller contemporain d'Andrea Djapp, Barbarie 2.0, qui est paru il y a un an et demi, c'est un roman complètement, c'est un thriller, mais complètement dans l'époque, qui parle des nouvelles technologies, de l'économie de la violence au sens du marché. Donc c'est véritablement un roman très politique. Dominique Manotti, encore une fois. En revanche, j'ai le sentiment, en tout cas ce qui se dégage de ce que j'ai lu ces dernières années d'auteurs femmes françaises, il y a pas ça, ou très peu. Alors il y a du suspense, il y a des thrillers. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites tant mieux, ça y est ? Les femmes ont gagné leur place dans le polar et elles écrivent à peu près comme les hommes, c'est-à-dire... Mais non, j'ai l'impression qu'en fait on retourne, il y a une espèce de boucle qui se referme, c'est-à-dire qu'elles retournent au même sujet, aux mêmes ambiances que celles dont on parlait dans les émissions précédentes, à une espèce de violence domestique et sans se poser plus de questions. Et alors, peut-être que c'est peut-être très bien, je ne sais pas. C'est vrai que pour moi, en tant qu'éditeur et lectrice, ou éditrice, comme on dit aujourd'hui, il y a un petit regret. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette volonté de se servir du roman policier, du roman criminel, pour montrer quelque chose. Mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui est général à la société. C'est pas spécifique au polar. Vous n'avez, si on prend la science-fiction, dont je suis aussi une grande lectrice, donc j'étais une très grande lectrice, la science-fiction à l'heure actuelle, c'est quoi ? C'est du space opéra, de l'heroic fantasy. Ça n'est plus une réflexion telle que ça l'a été dans les années 50, 60, 70. Sur la société, sur ce qu'allait devenir la société. Je pense que c'est général, c'est un mouvement général. Ouais, mais j'ai l'impression à vous entendre que ce sont les vents contraires qui sont en train de nous venir un peu en arrière. Est-ce que c'est ce sentiment que vous voulez nous faire partager aujourd'hui ? Oui, probablement, ouais. Mais c'est un sentiment général sur le monde qui nous entoure. On n'a pas encore le polar réactionnaire. C'est pas arrivé. Non. Non, pas vraiment. Non. Enfin, j'ai pas le sentiment réactionnaire au sens de il y a une volonté de réaction. Non. En revanche, peut-être de stagnation. Oui. Le polar était ce qui parlait du monde. J'ai un peu l'impression que c'est plus, ou alors il faut peut-être aller chercher sur d'autres continents et encore. C'est un mouvement un peu général. Alors, il parle de choses... par exemple, le roman anglais, moi, ce qui me frappe dans les polars anglais aujourd'hui, depuis 10-15 ans, il n'y a plus, ça c'est un thème qu'on n'a pas abordé, les enfants sont arrivés très tard. La présence des enfants sont arrivés très tard dans le polar, dans, disons, ces 20 dernières années. Aujourd'hui, vous lisez un polar anglais, écrit par une femme, il ne parle que d'enfants et de pédophilie. Ça, alors, dans ce sens-là, le polar parle de la société d'aujourd'hui, de nos préoccupations d'aujourd'hui. Mais c'est presque devenu un gimmick, un truc. J'ai l'impression de lire, quand je lis des thrillers, encore une fois, alors pour le coup, extrêmement violents, avec des serial killers, en veux-tu, en voilà... Mais ce sont des artifices du romanesque. Il n'y a pas derrière ça ne sert pas derrière à parler d'autre chose. Je pense que quand Thomas Harris a écrit Dragon Rouge, et enfin quand il a créé Hannibal Lecter, il avait autre chose en tête que ce qu'Hannibal Lecter est devenu aujourd'hui. Et pour voir les choses du bon côté, et si je pouvais conclure que c'est parce que peut-être que les auteurs de polar ont pris les codes du polar, le genre aussi, tous les ingrédients, mais pour aller voir ailleurs, à la manière de Virginie Despentes, qui continue, sa carrière d'écrivain en dehors des collections de polar. Ah oui, oui, tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est une excellente nouvelle. Je vais vous citer Virginie Despentes. Qui dit « Si je repense à l'époque où est paru Baise-moi, il me semble que la société est devenue plus prude et l'atmosphère plus réactionnaire. En même temps, sur la féminité, on est plus ouvert. Si une jeune femme écrivait l'équivalent de Baise-moi aujourd'hui, cela ne susciterait pas les mêmes réactions qu'il y a 20 ans. Sur le mode, une jeune fille ne doit pas écrire sur le sexe et pas de cette façon. Et pourtant, on voit bien comment la figure de la femme mère est revenue en force depuis une quinzaine d'années, assignant à la femme cette fonction maternelle qui devrait être spontanée, instinctive. » Je pense que je suis un peu dans la même réflexion que... Et on peut s'attendre à quoi maintenant, aujourd'hui ? Je ne sais absolument pas. Je l'ignore complètement. Une flic d'extrême droite ou avec un hijab, avec le foulard ? Ça n'a pas été alors, le oui, cas juste, ni l'un ni l'autre. Et ça, alors ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir dans les polars féminins anglais, la présence de l'islam, Dans les romans de Virginie Despentes. Même si les rôles ne sont pas encore au premier plan, mais c'est déjà présent. Mais je dirais que dans le polar, vous disiez tout à l'heure, sur le marché, c'est-à-dire les polars qui se vendent... Mm-hmm. Pas encore. Pas encore. Pour terminer cette belle série avec vous, Hélène Amalric, quel est le dernier polar que vous avez lu et que vous avez aimé ? Là, on laisse tomber le genre, les codes, les sous-catégories. Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'en lis plusieurs en même temps. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur, un roman que j'ai fait prendre aux éditions Marabout, qui s'appelle « Te laisser partir ». C'est un roman d'une Anglaise, Claire McIntosh. Alors là, c'est une ancienne flic. Elle a été flic pendant 15 ans. Mais son histoire n'est pas une histoire de flic. Et elle arrive à combiner... Il y avait très longtemps que je ne m'étais pas fait avoir par un retournement, un twist dans le roman. Et il y a les ingrédients, il y a un peu une ambiance à la Broadchurch, c'est un peu sur cette gamme-là. On a une femme et avec un personnage de pervers narcissique. Ça aussi, là, on a beaucoup. C'est quelque chose qui arrive véritablement. Là aussi, il y a une évolution. Et ça, c'est un roman qui m'a vraiment... que j'ai pas lâché de la première à la dernière page quand je l'ai eu en manuscrit. Voilà, et avec un retournement de situation à découvrir donc. C'est édité par... Marabout. Merci beaucoup, Hélène Amalric. Merci à vous. De nous avoir accompagnés toute cette semaine. L'intégralité de la série des femmes fondues au noir est à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission. Un autre jour est possible. Et si vous êtes fan des polars, surtout emportez avec vous France Culture, votre radio... À Lyon ou pas d'ailleurs, hein. On n'est pas obligé d'aller au festival Quai du Polar pour continuer à s'intéresser à ce genre. Do you know what's going on? Cops at the beach. Heard they found a body. Oh, God. Oh, God. Back behind the tape, ma'am. No. This area is restricted. No. I'm a cop. Seriously? I know this boy. He lives here. He's my son's best friend. Calm down. You don't understand. I know this boy. Enough. Shut it down. Shut it down? I'm working a case now. Carmen. I know who you are. You took my job. Wow, you want to do that now? You don't even know this kid. So tell me. Danny. Un autre jour est possible. He goes to school with my son Tom. His mom, dad and his sister. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. L'actualité de la bande dessinée, c'est aussi les festivals. Hier, on a parlé du festival de Bastia. Aujourd'hui, je vous propose un autre festival, pas loin, mais il faut traverser la mer. C'est à Aix-en-Provence, le festival de bande dessinée qui a lieu tous les ans au printemps. Là, ça s'ouvre aujourd'hui, les rencontres du 9e art. Nous sommes en duplex avec Serge Derpex, qui lui est à Aix. Bonjour Serge Derpex. Bonjour. Vous dirigez donc ce festival, un festival qui commence à avoir beaucoup de presse, beaucoup de public, puisque ça fait quelques années que je me rends à Aix pour ces rencontres du 9e art, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de plus en plus de monde pour rencontrer les auteurs, mais surtout pour les expositions. Ben oui, on est chanceux, le public nous suit. Cette année, il y a 10 lieux, 13 expositions, dont 10 créations, donc ça a été un vrai challenge de monter tout ça. Et là, ce week-end, on ouvre avec une cinquantaine d'artistes présents à la Cité du Livre, qui sont là pour rencontrer le public autour de toute une série de propositions un petit peu alternatives au Salon du Livre classique, tel qu'on l'entend. Bref, Stevens sera là pour Le Meilleur des Mondes, mais il y aura aussi Tipex, l'auteur hollandais, pour son Rembrandt. Oui, Tipex nous fait la joie de venir. C'est un auteur hollandais qui a imaginé une biographie assez décalée de son artiste Rembrandt, et qu'on a installé ça à l'atelier Cézanne. L'idée étant de faire l'atelier de Rembrandt à l'atelier de Cézanne et de montrer un petit peu le making-of de ce travail assez énorme qu'il a fourni aux éditions Casterman. Jean-Claude Gotting sera aussi ce week-end à Aix, avec une exposition aussi également. Jean-Claude nous propose une exposition où on se concentre plutôt sur la bande dessinée, sachant qu'il a un travail assez large, assez multiple. Et là, on s'est concentré sur 4 albums, ce travail assez intime, assez américain dans son traitement. Et donc, on couvre ces 4 albums qui sont noirs, Happy Living, La Malle de Sanderson et le dernier, Waterton, qui sort chez Gallimard. Alors, le festival avec les rencontres des auteurs, c'est bien sûr ce week-end, le 1er, 2 et 3 avril, mais les expositions, Serge Derpex, continueront ensuite jusqu'au 21 mai. On s'installe sur une durée assez longue, sachant que pas mal d'expositions sont dans des musées, des lieux patrimoniaux. Donc la date de clôture du festival correspond aussi aux nuits des musées. Et c'est aussi de laisser le temps de développer un petit peu toutes les propositions qui peuvent accompagner les expositions, qui vont être des workshops, des rencontres avec les auteurs sur site, qui reviennent pour certains après ce gros week-end. Donc l'idée, c'est de aussi laisser ce temps, et surtout qu'on est dans un format de gratuité. Voilà. Serge Derpex en direct d'Aix pour nous parler du festival des rencontres du 9e art. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, à bientôt. Now we come from Cork and Kerry. That emerald world has passed. My Mary would be pleased to know I'm a praying man at last. In this distressed country, little comfort do we know. My Bible is my road map on the sands of Mexico. Churubusco, Ray Cooder. Comme tous les vendredis, c'est l'actualité des romans graphiques. Et aujourd'hui, on va parler de Churubusco, justement, avec son auteur, Andrea Ferraris. Bonjour. Bonjour à tous. Votre ouvrage est édité par Rackham. Et si on a mis cette chanson de Ray Cooder autour de Churubusco, c'est parce que le point de départ de votre roman graphique part de cette chanson des Chieftains. Oui, Churubusco, maintenant, quartier de Mexico, de la ville de Mexico. Dans le 19e siècle, c'est un petit village tout près à la capitale. Et ce que vous racontez dans cet ouvrage, Andrea Ferraris, c'est une guerre, un épisode de l'histoire des États-Unis en 1846. l'armée des États-Unis décide de s'emparer de la Californie et donc de prendre cet État qui appartenait aux Mexicains. Il va y avoir une guerre. Et ce que raconte votre roman graphique, c'est que dans les rangs de cette armée américaine, de cette armée occupante, il y avait un bataillon entier, le Saint-Patrick, qui va refuser de cette guerre et qui va se ranger du côté des Mexicains. Ils vont pas seulement déserter, hein, c'est-à-dire qu'ils vont passer de l'autre côté. Et alors, ce bataillon, c'est très important, ce sont plutôt des émigrés irlandais, espagnols, italiens, qui ont été attirés par le rêve américain, à qui on promettait une nouvelle citoyenneté, mais aussi un lopin de terre, s'ils accomplissaient cette mission de guerre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire? C'est parce que, en tant qu'Italien, vous vous sentez concerné, ou parce que ça parle de géopolitique et que ça peut renvoyer à ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi? Pourquoi parler aujourd'hui de Churubusco? Ou c'est uniquement parce que cette histoire, vous estimez qu'elle n'est pas assez connue? Les deux choses, non? Il y a une Italienne dedans le bataillon de Saint-Patrick. Mais aussi, je pense que il parle d'une chose très moderne, non? Les immigrés aujourd'hui, ils font le même voyage, ils ont le même rêve. Mmh. Quitte à faire le même sale boulot, c'est ça que vous voulez sous-entendre? Oui, je pense. Hein, et je pense que cette histoire, il parle à nous qui vivons en Europe, qui sont les États-Unis de la modernité pour les immigrés qui arrivent. Par la mer. Et donc, comment vous êtes plutôt documenté sur cette histoire? Comment vous avez installé la fiction, parce que ça reste une fiction, avec des personnages dans ce décor et surtout dans cette page historique des États-Unis et de la Californie? Oui, je fais de la fiction parce que j'ai cherché, j'ai pensé d'imaginer le soldat italien comme un Sicilien. Et seulement à la fin du livre, quand j'ai terminé de l'écrire et de le dessiner, j'ai trouvé un document officiel de l'armée américaine. Et avec émotion, j'ai rencontré le nom de l'Italien. Et il arrive de la Sicile. Alors j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que vous êtes Sicilien vous-même? Parce que mon grand-père, c'est Sicilien. Alors je pensais que mon Italien peut être une Sicilienne. Et parce que beaucoup des Italiens, à l'époque, ils vont chercher la chance aux États-Unis. Et donc, vous avez inventé des personnages qui évoluent dans cette histoire, qui évoluent aussi au sein du bataillon. Comment vous avez fait pour trouver cette manière de construire un peu de cette fiction? Graphiquement, j'ai eu de nouveau de la chance, parce que je suis arrivé à Paris, et quand je suis arrivé, il y a une exposition très, très belle de Goya. Et je suis frappé des dessins de Goya et je pensais que c'est parfait, c'est un graphisme parfait pour mon histoire. Et je fais beaucoup de recherches avec Internet et des amis qui habitent au Mexique sur le bataillon et sur la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Churubusco, donc c'est vraiment le titre de ce roman graphique édité chez Rackham. Mais vous avez décidé, Andrea Ferraris, de faire du noir et blanc. Pourquoi? Je trouve que c'est parfait comme ça. Pourquoi? Parce que ça ressort le côté documentaire de cette histoire? Non, parce que il n'y a pas une vraie raison. Mais quand j'ai commencé à faire, à trouver avec les crayons 4B les couleurs avec le blanc et noir, je suis sûr que j'ai trouvé la route correcte pour faire l'histoire. Et il y a aussi des planches colorées avec le café. Avec le café? Le café, oui. Le matin, je prépare le café pour moi et après, je l'utilise pour colorer les cauchemars de le protagoniste. Et moi qui pensais que c'était l'ordinateur, eh ben non. Non, c'est pas un ordinateur, c'est le café vrai. C'est le, je peux faire de la pub, c'est le café illy, italien. Et c'est vous qui avez tout fait cette fois-ci, scénario plus dessin? Oui, c'est moi. Oui, je fais tout seul. Oui. Mais naturellement, je travaille avec des amis qui vont lire mon travail, qui me disent ça va ou pas, non? Mais c'est moi que je décide de la direction. Vous êtes italien, vous avez vécu en Espagne. Oui. Et depuis quelque temps, vous êtes à Paris. Ça fait combien de temps, Andrea Ferrari, que vous êtes à Paris? Je vis à Paris depuis 2 ans. Ouais. Et après, j'ai vécu à Cagliari, en Sardaigne. Ouais. Et après, encore à Barcelone. Mais je suis de Genova, de Gênes. Ouais. Est-ce que vous vivez avec votre travail personnel, par exemple chez Lobusco? Est-ce que ça suffit pour vivre? Vous êtes obligé de jouer aussi le dessinateur artisan pour Disney? Vous continuez pour eux à dessiner? Oui, je fais de la bande dessinée Disney. Et normalement, tous les mois, j'ai un petit peu de boulot pour Donald Duck. Bah, vous êtes un véritable Européen, Andrea Ferrari. Ça, oui. Ça a changé hein, pour les émigrés italiens depuis chez Lobusco. Bon, on passe au questionnaire d'un autre jour, c'est oui. À vous. Andrea Ferraris, première question. Alors, quel personnage historique vous paraît comme les héros ou l'héroïne absolue? Bon, je pense que c'est un personnage de Churubusco. Ouais. C'est le capitaine Riley du bataillon de Saint-Patrick. C'est une Irlandaise qui... C'est le premier qui l'a déserté et qui l'a amené les autres à côté de le Mexicain. Deuxième question. Quel super-héros accompagnait votre enfance? Bon, je pense à Paperinic, que c'est un super-héros très italien. C'est Donald Duck en version super-héros. Enfin, non, il n'est pas connu, hein? Non. Non? En Italie, c'est super célèbre. Enfin, troisième et dernière question. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous trouver une place? Un tableau de Delacroix. Il y a beaucoup de personnages, il y a un lit, et il s'appelle La mort de Sardanapalo, je pense. Et votre place dans ce tableau? Et je suis sur le lit, hein. Je suis Sardanapalo. Andrea Ferraris pour Churubusco, édité chez Rackham. C'est une manière aussi de rendre hommage à cet éditeur indépendant, Latino Imperator. Merci d'avoir accompagné Andrea Ferraris. Vous êtes l'éditeur de Rackham. Vous avez vu que vous n'aviez pas eu besoin de le traduire. Il parle bien français maintenant. Oui. Alors, d'abord, félicitations puisque vous avez reçu un prix au Festival d'Angoulême pour ce beau livre sur Primo Levi, Une étoile tranquille, d'un autre auteur italien, Pietro Scarnera. Et les dessins de Churubusco, on peut les voir exposés jusqu'au 9 avril. Oui, du 9 mars au 9 avril à la librairie italienne Tour de Babel, dans les Marais, au 10 de la rue du Roi des Siciles. Il y aura donc exposé les planches originales de Churubusco, accompagnées de tous les dessins préparatoires, qui sont assez beaux, très nerveux, très spontanés. Les styles d'Andrea, c'est vraiment quelque chose de très beau à voir, du vrai. C'est une exposition vente? Oui. C'est bon à savoir. Merci d'être passé ce matin. Merci Latino Imperato, Rackham. Et merci à vous, Andrea Ferraris. Et c'est à vous de faire le générique de fin. Oui, alors, c'était Une autre jour est possible. Une émission quotidienne de Teuic Hakem. Tous les matins à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écouter en ligne disponible sur franceculture.fr à la page de l'émission. Préparé par Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet, cette émission, réalisée par Thomas Duterre et Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Claude Niort. Merci beaucoup, bonne matinée. À vous, hein. Excellent week-end, on se retrouve lundi et je vous recommande vivement Churubusco d'Andrea Ferraris. Bonne matinée.